Grand 2. Cette déclaration éclata comme un obus. À l'exception du compagnon de mes courses nocturnes, personne n'y était préparé. Pour les parents, un fils est toujours un enfant. La première manifestation virile étonne de sa part, inquiète un peu, lors même qu'il ne s'ensuivrait pas un danger immédiat. Dès qu'il revendique l'entier usage de son libre arbitre, le jeune homme échappe au sien, en supprimant l'action d'une sollicitude tendre et avisée. À l'heure critique où nous étions, le péril était certain et tout proche. La pensée en fit venir à ma mère deux grosses larmes, qui un instant voilèrent ses yeux bleus, puis roulèrent silencieusement sur son doux visage résigné. Mon père, mal remis de sa surprise, se contenta de me faire une réponse évasive. Ma nuit fut mauvaise. J'étais partagé entre le regret d'avoir chagriné ma mère, la conviction que je ne lui épargnerais pas cette épreuve, et le dépit de n'avoir pas brusqué le dénouement inéluctable. Le lendemain, au déjeuner, je remis donc la question sur le tapis, non sans un tremblement dans la voix. Mon père, voyant de nouveau le front de ma mère s'assombrir, m'arrêta net cette fois. Homme de décision et cœur droit, il n'admettait pas les voies détournées. « Si tu veux t'engager, dit-il, fais-le, mais parle-en moins. »« Qu'à cela ne tienne, répondis-je, j'attendais votre consentement. » Et fort d'une autorisation ainsi surprise, je me rendis en sortant de table au commissariat de police. Mon cœur battait la chamade, pendant que, négligemment, comme s'accomplit toute besogne coutumière, le magistrat remplissait, en me posant les questions nécessaires, l'imprimé sur lequel grinçait sa plume agile. « Mais, fit-il en relisant la date de ma naissance, vous n'avez pas 20 ans. » La plume en l'air, le menton appuyé sur sa main gauche, il me dévisageait avec le regard scrutateur et sévère d'un juge. Pour conclure, il m'invita à aller chercher mon père. Vainement j'insistais, lui affirmant que j'avais l'assentiment paternel, qu'il pouvait me confier le certificat, et que je lui rapporterais sur l'heure, dûment signé. Il déposa sa plume et me congédia poliment. Ce contretemps me vexa d'abord, parce que tout délai irrite une passion sincère, et aussi parce que le commissaire semblait douter de ma parole. Mais après tout, ce n'était qu'un retard d'une heure. À la réflexion, je me réjouissais que la signature de mon père sanctionnât le premier acte solennel de ma vie. Quant à lui, mon engagement avait été jusque-là si loin de sa pensée qu'il n'avait pas songé à vérifier l'étendue de ses droits. Néanmoins, il éprouva quelque satisfaction d'apprendre que son autorité pouvait prévaloir sur ma résolution. Il ne se dédit point toutefois, et se disposa à m'accompagner sur le champ. Or, nous rencontrâmes à notre porte un de mes camarades, qui, peu de jours auparavant, m'avait précisément exposé de belles théories sur l'impôt direct du sang. Mon père lui ayant dit le but de notre course, quelle ne fut pas ma surprise en le voyant s'exclamer « Henri Roland développa, pour me détourner de mon projet, tous les sophismes que l'ingénieux intérêt personnel s'est invoqué. La guerre éclatait tout d'un coup trop meurtrière pour pouvoir durer. Si pourtant notre concours devenait nécessaire, le gouvernement ne sera-t-il pas à nous appeler ? N'avais-je pas tort, du reste, de me croire déjà bon à faire un soldat ? L'habileté à manier une arme s'acquiert-elle en quelques jours ? Et à supposer que j'arrivasse à temps, n'irais-je pas simplement offrir à l'ennemi une victime de plus, sans profit appréciable ? À quoi bon discuter ? J'entendais sans écouter, en quelque sorte malgré moi. Quelle raison eût pu me vaincre quand les pleurs de ma mère ne m'avaient pas ébranlé ? Mon père aussi gardait le silence. Mais il écoutait, lui, pensif, soucieux. En dépit de longues pauses tous les 10 mètres, je dirigeais insensiblement la marche vers le commissariat. Et, remerciant mon ami, je cédais le pas à mon père. Il connaissait un peu le commissaire. S'asseyant à la table où mon certificat était resté inachevé, il prit la plume et la plongea dans l'encre. Anxieux, j'attendais le petit grincement que j'avais remarqué naguère. « Eh bien, non, » fit mon père en rejetant la plume et en se levant, « je ne peux pas signer. » Les discours de mon ami avaient été trop cruels pour son cœur. Mon affection filiale lui tient compte aujourd'hui de cette hésitation. Mais je fus moins résigné jadis. Au surplus, l'heure de ma 20e année était proche. Il fallait patienter quelques jours seulement. Seulement. Mais ces jours me semblaient aussi longs que des semaines. Et j'étais agité, troublé, comme par un remords. Quelque éloigné que fût le théâtre des hostilités, Toulouse en recevait constamment des échos, et tout y parlait de la guerre. L'arsenal, la poudrerie activaient leurs travaux, multipliaient leurs envois. Les réserves rejoignaient les dépôts, et ceux-ci dirigeaient chaque jour des détachements sur l'armée, pour combler les vides, ou concourir à la formation des premiers régiments de marche. Les mobelots foissonnaient, luttant entre eux de crânerie et d'élégance, avec le pantalon bleu à bandes rouges et la vareuse foncée, propice aux coupes de fantaisie. Pour rappeler toutefois que l'heure était grave et que la coquetterie militaire était la parure juvénile de prochains sacrifices, le curé de notre paroisse, septuagénaire au cœur chaud, organisa le premier un service funèbre, en mémoire des victimes des batailles perdues. Au milieu de l'église froide et nue, dont la richesse est concentrée dans une des chapelles du transept où se trouve une vierge noire, un catafalque élevé haut ses draperies. Les trois couleurs apparaissaient aux angles, obscurcies, comme dans le combat par la fumée des cierges, dont les flammes tremblantes faisaient scintiller l'acier des faisceaux d'armes. Entouré d'un semis de larmes symboliques, dans un cartouche à demi caché, sous une palme verte, seule cette inscription « Aux braves, morts pour la patrie ». La vaste nef et les bas-côtés étaient trop étroits pour contenir la foule. Malgré ce concours empressé, un silence saisissant planait au-dessus de ces 1000 fronts penchés comme sous la pensée d'un deuil personnel. Des larmes même coulaient, mais dans la sincérité de mon âme, je ne plaignais pas, moi, ceux que l'on pleurait. Leur sort me semblait enviable. Tombés, ils restaient glorieux, tandis que la honte atteignait les survivants inactifs. Aussi, au sortir de l'église, je me sentis étrangement remué, en entendant l'alerte sonnerie des clairons des chasseurs. Le pantalon dans les guêtres, la tente sur le sac, marmite neuve, grand bidon reluisant, en tenue de campagne, ils partaient, vifs, gais, comme à la parade. Insoucieux des dangers prochains, ils allaient crânement d'un pas rapide. La certitude de la revanche ne leur eut pas donné plus d'entrain, et je fus pris d'émulation. Un instant je les suivis, mais presque aussitôt je m'arrêtai court, comme saisi de honte, car à la gare, il faudrait les quitter, leur dire adieu. Non, je n'avais pas le droit de les accompagner, n'ayant pas le pouvoir de les suivre jusqu'au bout. Maussade, silencieux, alternativement morne et nerveux, je ne dissimulais pas que j'attendais l'heure d'agir suivant ma seule volonté. Mon père ne s'y trompait pas. Ébranlé par les propos de mon ami, il avait pu nourrir le vague espoir que j'en serais touché moi-même à la réflexion. Devant une résolution fermement arrêtée, il ne voulut pas s'obstiner. Ne pouvant douter que je m'engagerais le jour même de mon 20e anniversaire, il consentit à me laisser partir avant. Il fixa mon engagement à une date facile à retenir, me dit-il, le 1er septembre 1870.